guardia, la guardia, questi della guardia, la guardia, questi della guardia, la guardia, questi della guardia. Oh, laisse-moi faire les bails, le sang est loco. J'ai quitté ton école, j'fais beaucoup de fatwas. Mon pote, que tu me parles de l'autre. Qu'est-ce que tu dois dire sur moi quand je retourne mon dos? J'ai un côté, elle veut faire la photo. La pauvre, elle sait pas que je suis comme un autre. C'est pas facile, apprends bien, je montre bien ce qu'il y a dans mes yeux. Je vous en assis, je repense au frise dans les yeux. Oh, les savants, je suis ma tania. Je prends la municipale, les ninjas. Tu l'as tué le BG, tu disais vite reste au check. Mais tu as connu de boule, tu as perdu la boule, tu l'as lobé de suite. Faut que tu cours vite, lui paye même son poco. Pas de bien chaud, t'as plus d'estime mon coco. Viens à Marseille, c'est devenu chaudasse. Tous les petits veulent des grosses liasses. Ça va en boîte avec des glocas. Coucou sous Jack Melcoca. Oh, laisse-moi voir, je fais ma tania. J'prends la municipale, les ninjas. Oh, laisse-moi voir, je fais ma tania. J'prends la municipale, les ninjas. La guarda, faut esquiver la guarda. La guarda, faut esquiver la guarda. Laisse-moi boy, je fume ma ganja. J'fuck la municipale, les ninjas. Oh, laisse-moi boy, je fume ma ganja. J'fuck la municipale, les ninjas. La guanja, faut esquiver la guanja. La guanja, faut esquiver la guanja. La guanja, faut esquiver la guanja. La guanja, faut esquiver la guanja. La guanja, faut esquiver la guanja. La guarda, faut esquiver la guarda. La guarda, faut esquiver la guarda. La guarda, faut esquiver la guarda. Oh, laisse-moi voir, je fais ma tania. J'prends la municipale, les ninjas. La guarda, faut esquiver la guarda. La guarda, faut esquiver la guarda.